derrière un pilier. Je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques et de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la Vierge à l'enfant Jésus. Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie. C'est qu'elle, c'est tout. Et même si je scandalise quand je suis à l'église, je pense à Marie aux yeux de Marie. Je pense à Marie aux mains de Marie, aux corps de Marie, au cœur de Marie. Je pense à avant la messe, pour la joie de l'avoir passée. Et pendant qu'elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Je me lève, je m'agenouille, je me sens comme crucifié. Par tous les regards qui me fouillent, des grenouilles de bénitier. Si je scandalise le dimanche à l'église, je pense à Marie, je pense à Marie, aux yeux de Marie, aux mains de Marie, aux corps de Marie, au cœur de Marie, je pense à Marie. Tout à l'heure, quand elle va sortir, je vais la rater encore une fois. Tout à l'heure, ces ballots vont rire sur le zinc du café tabac. Rigolez les gars, rigolez, j'y mettrai le temps qu'il faudra. Mais un dimanche, vous la verrez sortir de l'église à mon bras. J'aurai un chapeau et des gants. Et même si ça scandalise un beau jour à l'église, je serai là, je serai là.